Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 67e émission de Oser Jazz à tous les étages, saison 3, épisode 29, avec toujours ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et Léa Bangers qui nous accueille à chaque fois et qui vous accueille à chaque fois depuis 3 ans maintenant, avec toujours autant de peps et de bonheur. Alors, on va dans cette 67e émission continuer d'explorer le programme du Festival Jazz en Touraine. On a fait la semaine dernière un petit tour dans le Magic Mirror qui accueillera cette année donc uniquement des musiciennes et des chanteuses sur les 10 jours du festival, donc du 13 septembre, du vendredi 13 septembre jusqu'au dimanche 22 septembre. Et le programme qu'on va voir aujourd'hui est plutôt consacré à la salle Ligeria. On avait vu aussi la semaine dernière une partie de ce qui se passait sur le festival OFF, sur le village gourmand et sur les communes associées au festival. Voilà, là on va voir ce qui se passe sur la grande scène, la grande salle de Ligeria, qui accueille, comme toujours chaque année, à 21h, les grands concerts de ce festival. Pour commencer, donc ce vendredi 13 septembre, il y aura un concert tout à fait exceptionnel. Ce concert, il aura lieu en hommage à Boris Kurtz, qui a pendant de nombreuses années accompagné le festival, d'abord comme manager de différents groupes, et puis ensuite comme directeur du festival, programmateur du festival, agent artistique du festival. Il a été multicasquette et sa bonhomie, sa bonne humeur et sa connaissance du métier a permis de voir passer de nombreuses personnes et de nombreux artistes dans ce festival qu'il a contribué à faire passer à un autre niveau, au niveau national, voire international. Boris Kurtz, qui malheureusement est décédé après la fin du dernier festival de 2023. Il a été présent tous les soirs, poussé dans sa chaise roulante, car il était très malade, par son frère Serge Kurtz, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et vraiment, il a été le compagnon de tout ce dernier festival jusqu'au bout de ses forces. Et voilà, c'était normal que le festival lui rende hommage ce vendredi 13 septembre en convoquant ses amis. Ses amis et ses musiciens qu'il a aidés, qu'il a participé à faire connaître à travers le monde. Et c'est un exceptionnel tableau, plateau, qui sera là ce soir-là, puisque il y aura pour la seule et unique fois la reformation du groupe Les Yeux Noirs. Les Yeux Noirs, c'est ce groupe de musique tzigane avec des teintes jazz, avec des teintes yiddish, avec des teintes également pop par moment, il faut bien le dire, qui avait été monté par deux frères, Eric et Olivier Slabiak, dans les années 80. Ils ont un petit peu explosé au niveau national et international dans les années 90. Et puis ensuite, dans les années 2000, ils ont, on va dire, conquis le monde avec des tournées incessantes qui ont fini par peut-être les fatiguer un peu. Et à la fin des années 2000, ils se sont séparés. Alors depuis, ils ont participé à différents autres groupes, notamment le groupe Joseph Joseph, qu'on a pu voir à Mont-Louis encore il y a 2 ans environ, passé à Algérie. Donc là, ce soir-là, ce vendredi 13 septembre prochain, eh bien, je vous invite très clairement à réserver votre soirée, parce que il n'y aura pas deux concerts, il n'y en aura qu'un. C'est donc le grand retour des Yeux Noirs, la reformation pour cet hommage spécial à Boris Kurtz. Et ce ne sera pas que un concert des Yeux Noirs, puisqu'ils invitent aussi des amis à eux. Il y aura notamment la chanteuse Norig, on va y revenir. Il y aura Sébastien Gignot, le guitariste et violoncelliste, qui sera là également. Enfin bon, bref, ça sera vraiment une fête assez exceptionnelle pour rendre un hommage mérité, ô combien mérité, à Boris que vous aviez bien sûr entendu avec moi sur les deux premières saisons de Osez Jazz à tous les étages, parce que cette émission Osez Jazz à tous les étages, c'était lui qui en était l'instigateur, c'était lui qui en avait eu l'idée, et c'était lui qui avait décidé de m'embarquer dans cette aventure que je continue seul aujourd'hui, mais que je suis heureux de pouvoir continuer, et c'est aussi ma manière de lui rendre hommage. Donc on va retrouver tout de suite Les Yeux Noirs avec le morceau Aura Michika, qui est extrait de l'album Suite, sorti en 1994. C'est un titre de tzigane roumain qu'ils interprètent là et qu'ils vont certainement nous jouer aussi le vendredi 13 septembre. Prenez date, vraiment, ne loupez pas cette occasion unique de revoir pour une seule et unique fois Les Yeux Noirs à Mont-Louis, à l'Espace Ligeria, le vendredi 13 septembre. Les Yeux Noirs, donc Aura Michika. C'était Aura Michika, extrait de l'album Suite, sorti en 1994. Des Yeux Noirs, ce groupe de musique tzigane, donc, qui se reforme spécifiquement pour cette soirée et uniquement pour cette soirée. Ne loupez pas l'occasion, le vendredi 13 septembre à Jazz en Touraine. Ce même soir, donc, sur ce même plateau, il y aura non seulement Les Yeux Noirs, mais il y aura également la chanteuse Norig. La chanteuse Norig, c'est une chanteuse à la voix assez exceptionnelle, une voix tzigane très, très, très marquée, très bouleversante, très, très belle. Elle avait commencé son premier album en reprenant la chanson Eden Lésie, qu'on entendait dans le film Le Temps des Gitans, et qui avait marqué beaucoup de gens par la force de son interprétation. Et bien, elle avait osé le reprendre, et en ouverture de son premier album qui s'appelait Gadji, et c'était vraiment un tour de force qu'elle avait réussi d'arriver à égaler la version qu'on entendait dans le film d'Emir Kusturica. Vraiment l'occasion de pouvoir aussi applaudir cette chanteuse, donc, qui sera présente avec Les Yeux Noirs ce vendredi 13 septembre. On va écouter, pour vous donner une idée de la force de cette chanteuse, le morceau Abeaf Baro Tequeras, qui est extrait de ce même album Gadji. On y entend aussi la guitare de Sébastien Gignot. Sébastien Gignot qui sera là aussi ce soir-là. Sébastien Gignot, qui était un guitariste, qui est un guitariste assez exceptionnel, qu'on a eu l'occasion de voir à Jazz en Touraine, remplacer au pied levé Biréli Lagrène il y a 6 ou 7 ans. C'était lors d'un concert de Didier Lockwood, Richard Galliano et Biréli Lagrène. Et le matin même du concert, Biréli Lagrène annonce qu'il ne peut pas venir, qu'il n'est pas disponible. Et donc Boris Kurtz réussit à convaincre convaincre Sébastien Gignot, qui était encore dans son lit quelque part à Paris, de venir faire ça avec sa guitare sous le bras, sans lui dire exactement ce qui allait se passer. Et donc Sébastien arrive et découvre qu'il va côtoyer Didier Lockwood et Richard Galliano sur scène pour remplacer Biréli Lagrène au pied levé. Et après une répète en deux temps trois mouvements, il s'est retrouvé au milieu des deux hommes et il a délivré un concert absolument extraordinaire. Didier Lockwood était complètement confiant. Richard Galliano était lui un petit peu dubitatif au départ. Et puis, voyant jouer Sébastien Gignot, il s'est complètement lâché. Et à la fin, c'était vraiment trois hommes sur le même niveau, avec un Sébastien Gignot qui avait sauvé la soirée. Et voilà, donc une belle anecdote de ce festival que je vous raconte là. Et vous pouvez retrouver donc Sébastien Gignot ce vendredi 13 septembre en compagnie des Oeufs Noirs et en compagnie de Norig. Et on l'entend là en accompagnement de Norig sur le titre Abbé Avbaro Tequeras, extrait de l'album Gadji. Bye. C'était donc extrait de cet album Gaji Norig en compagnie de Sébastien Gignot. Le morceau s'appelait Abeav Baro Tekeras. Donc ne loupez pas cette soirée, vendredi 13 septembre. Les Yeux Noirs, Norig, Sébastien Gignot, tous ensemble pour rendre hommage à notre ami, à mon ami aussi, Boris Kurtz, qui est parti l'année dernière à la fin de ce festival et qui nous manque tous beaucoup. Le samedi 14, il y a un autre rendez-vous assez exceptionnel. C'est vrai que cette édition du festival va en étonner plus d'un parce que il y en aura pour tous les goûts. Donc la première soirée était plutôt tsigano jazz. La deuxième, elle sera plutôt axée sur la soul et le groove, mais surtout sur la voix puisqu'on accueillera le samedi 14 Fada Freddy. Alors Fada Freddy, ça dit peut-être pas grand-chose à vous tous. Fada Freddy, c'est un artiste d'origine sénégalaise qui avait commencé sa carrière en lançant un groupe de rap qui s'appelait Daraji, qui a eu un gros succès au Sénégal, un petit peu en France également, et puis qui depuis a tourné un petit peu vers le travail vocal. Sa spécialité, en fait, c'est de ne pas être accompagné d'instrumentiste. Sa spécialité, c'est la voix. Il fait tout avec sa voix. Il fait la voix, bien sûr, mais il fait aussi l'instrumentation. Et il fait les percussions en utilisant son corps comme caisse de résonance et en tapant sur son corps avec ses mains. Donc, évidemment, tout seul, c'est un petit peu limité. Donc, il est accompagné sur scène par 5 chanteurs et chanteuses qui viennent, eux aussi, avec seulement leur voix, créer l'environnement musical qui accompagne donc les mélodies de Fada Freddy. Son dernier album s'appelle Golden Cages, il est sorti cette année, et lui aussi, dans l'album, il n'y a que de l'utilisation de voix, comme ça. Donc ça donne un résultat qui, comme dans l'album précédent Gospel Journey, voilà, aussi un petit peu entre jazz, soul, gospel aussi, puisque le côté choral des voix nous amène à considérer un petit peu ça comme du chant gospel. Il y a un peu de folk aussi là-dedans. C'est vraiment très très beau et surtout, c'est visuellement impressionnant parce qu'on voit au fil des minutes les morceaux évoluer, les voix se rajouter, se répondre, se multiplier. Et c'est vraiment un beau spectacle à la fois musical et visuel qui se déroule devant nous. En plus, Fada Freddy, il a un petit look pas triste avec son chapeau melon, avec ses grandes dreadlocks. Donc c'est vraiment un beau spectacle à voir, donc qui sera là le samedi 14 septembre. Ce samedi 14 septembre, donc, et on va écouter le titre qui donne l'album, le titre qui donne son titre à l'album Golden Cages, sorti il y a 2 mois environ. Fada Freddy, Golden Cages. 1, 2, 3, and. I'm not ashamed to walk down another way. Turn me away, I don't care anyway. My golden cage, yeah, I've left it all behind. Whenever freedom calls, it's too late to rewind. Train, but I'd love to take you with me. Little bird, don't wanna set free. You seem to be comfortable with the shackles you drag all the time. You will know my destination when you free up your mind from the golden cage. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cage. I'm a rider of free tides, and I'm ready for the world. My roof is the sky, and my country is the earth. You may say I lost my head, I may say you're already dead. You sold your soul for this little comfort. Fame, but I'd love to take you with me. Little bird, don't wanna set free. 'cause you drag all the time. You will know my destination when you free up your mind from the golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, in the cages. You've got the right to vote, still you're treated like a servant. There is no justice with the knee on your throat, hiding behind and hoping someone remembers you, when you're just a number, just another barcode from the golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden, golden cages. We all living in the golden cages, in the golden cages. We all living in the, oh down low. We all living in the golden cages, in the golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages, golden cages. We all living in the golden cages. C'était Fada Freddy, Golden Cages, donc qu'on retrouvera le samedi 14 septembre sur la scène de Ligeria à 21h. Vraiment un deuxième concert après celui des Unor à la veille, à ne pas louper, un beau rendez-vous. Et donc sur cet espace Ligeria, il n'y a pas de concert le dimanche, pas de concert le lundi, parce que le lundi c'est relâche, il faut qu'on reprenne notre souffle avant d'entamer une deuxième semaine particulièrement chargée. Et on commence donc le mardi 17, avec là encore un programme assez original, puisque on accueillera sur la scène de Ligeria à 21h Antonio Lizana et son ensemble. Donc Antonio Lizana, c'est un chanteur de flamenco, mais qui se double aussi d'un saxophoniste. Ça, c'est original. Donc, il alterne sur scène le chant flamenco, et c'est un chant vraiment traditionnel. Hein. C'est pas du flamenco arrangé, c'est vraiment du chant traditionnel. Il a une voix très très marquée, très très flamenca, très très impressionnante de alma, de la alma de flamenco. C'est vraiment l'âme du flamenco qui passe par sa voix. Et de temps en temps, comme ça, il lâche la voix pour prendre son saxophone. Et là, on est dans un jazz plus presque années 80. On est dans un jazz très, très lissé. Ça pourrait faire penser parfois à David Sanborn, auquel on a rendu hommage il y a déjà 2-3 semaines, là, suite à sa mort. Donc, il est accompagné de bassistes, batteurs, claviers. Et là, c'est beaucoup plus lisse, etc. Et ce qui est intéressant, justement, c'est ce mariage entre le côté âpre du flamenco et du chant flamenco avec cette musique jazz qu'il distille dès qu'il reprend ensuite son saxophone. Il est accompagné en plus sur scène d'un danseur de flamenco qui vient lui aussi faire des percussions, des palmas, comme on dit. Il tape dans ses mains et il exécute des pas de danse vraiment très, très impressionnants, très prenants. Donc là aussi, c'est un concert à écouter et à voir, parce qu'il y aura sur scène de quoi étonner l'œil comme l'oreille. On va écouter un extrait de son dernier album Vishwada, sorti en 2023. Le morceau s'appelle Soledad et vous allez voir, voilà, on alterne entre instrumental plutôt cool et puis ce chant flamenco qui rentre dans le morceau comme ça par instant. Soledad, Antonio Lizana. Thank you. C'était Antonio Lizana avec le morceau Soledad, extrait de son album Vishuddha en 2023, donc en concert le mardi 17 septembre à 21h à l'Espace Ligeria. On peut aimer le flamenco, on peut aimer la jazz et on peut mélanger les deux. C'est la preuve parfaite avec ce concert qui sera à ne pas louper. Le mercredi 18 septembre, alors on aura rendez-vous avec Nina Simone grâce à Karine Gyökturam. Karine Gyökturam, c'est pas seulement la femme de Lilian Thuram, c'est pas seulement la présentatrice des informations de 18h45 sur M6, c'est aussi une chanteuse de jazz. Et oui, on ne savait pas, on l'a découvert l'année dernière quand elle a sorti cet album qui s'appelle tout simplement Nina, qui est sorti donc en 2023 et qui a étonné tout le monde parce qu'on ne la connaissait pas particulièrement sous ce visage de chanteuse de jazz, mais elle a vraiment un très très beau brin de voix avec des beaux graves, un beau côté bluesy, et même Jazz Magazine et Jazz News l'ont fêté à la fin de l'année 2023 en lui octroyant un prix de révélation jazz féminine de l'année 2023. TSF Jazz aussi l'a mise en première artiste française, et puis Jazz Radio aussi ne cesse de passer ses disques sur ses ondes. Donc là, c'est l'occasion pour Radioactive aussi de vous faire découvrir cette chanteuse Karine Gyökturam, donc qui sera sur la scène de Nigeria le mercredi 18 septembre pour vous présenter sa vision de Nina Simone, assez proche de l'original. Alors bien sûr, ce n'est pas le même tempo et la même prise de son que Nina Simone, mais vraiment elle a un beau brin de voix. Elle est accompagnée sur scène de Kevin Jubert au piano, de Rodi Serrayon à la basse et de Tilo Bertolo à la batterie, de même que sur l'album. Et vraiment, venez découvrir Karine Gyökturam, c'est vraiment une belle surprise et un beau morceau à écouter. On va écouter d'ailleurs ce Mr. Bojangles qu'avait fait découvrir à la planète entière Nina Simone dans les années 60. Là, on va donc écouter la version qu'on a donnée sur son album Nina, Karine Gyökturam, en 2023, et qu'elle nous chantera très certainement ce mercredi 18 septembre sur l'Espace Ligeria. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants, the old soft shoes. He jumped so high, and then he lightly touchdown. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age. He spoke right down. He talked a lie, talked a lie. Laughed and slapped his leg instead. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, danced, danced for those in minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he traveled about. His dog up and died, just up and died. After 20 years, he Mr. Bow Jingles, Mr. Bow Jingles, Mr. Bow Jingles, danced. He said, I danced now every chance in honky tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars, I drink a beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, please, Mr. Bow Jingles, Mr. Bow Jingles, Mr. Bow Jingles, danced. C'était Mr. Bow Jingles, la chanson de Nina Simone, extraite donc de l'album Nina de Karine Gökturam, qui sera donc sur la scène de Ligeria le mercredi 18 septembre dans le cadre de Jazz Antoine. Une bien belle soirée, très certainement, avec des musiciens derrière qui assurent bien de ce côté-là. Le jeudi 19 septembre, on aura droit là aussi à une belle soirée avec cette fois-ci des teintes cubaines, avec Roberto Fonseca qui reviendra, puisque ce n'est pas la première fois qu'il vient sur Jazz en Touraine, présenter son nouvel album sorti là aussi en 2023 qui s'appelait La Grande Diversion. Roberto Fonseca qui est le pianiste cubain, révélé notamment par sa participation à Buena Vista Social Club, où il avait accompagné notamment tous les anciens, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo et autres, en tournée suite au succès de l'album paru chez World Circuit il y a déjà 25 ans à peu près. Roberto Fonseca, donc, après, a creusé son sillon et a réussi à faire des albums qui l'ont révélé, avec toujours une teinte très jazz, mais aussi, bien sûr, ses valeurs et sa musique cubaine qui est vraiment partie de lui. Son album, le dernier, La Grande Diversion, est vraiment un retour presque plus marqué encore à la musique cubaine. Le morceau qu'on écoute s'appelle Salal Malecón. Malecón, c'est la jetée qui borde les quais de Santiago de Cuba, de la Havane plutôt, plus exactement, excusez-moi. Et Salal Malecón, ça veut dire, bon, sortons sur le Malecón, sortons sur la jetée pour aller profiter des effluves de la mer, profiter du coucher du soleil et peut-être boire un petit coup de rhum, pourquoi pas. Ce morceau qui ouvre l'album La Grande Diversion de Roberto Fonseca, on le retrouvera très certainement ce jeudi 19 septembre sur l'espace Ligeria à Montlouis. Roberto Fonseca, Salal Malecón. Thank you. C'était Salam Aleikum, le morceau de Roberto Fonseca, extrait de La Grande Diversion, donc Roberto Fonseca qu'on retrouvera avec tout son ensemble et pour une soirée très festive, très cubaine, ce jeudi 19 septembre à Montlouis, au festival Jazz en Touraine dans l'espace Ligeria. Et vraiment un grand moment de musique à fêter et qui sera suivi le lendemain. Le vendredi 20 septembre par une musicienne et chanteuse avec laquelle d'ailleurs Roberto Fonseca a enregistré un album il y a quelques années. Il s'agit de Fatoumata Diawara, la chanteuse malienne qui mélange allègrement pop, jazz, funk, électro et musique africaine. Viendra apporter sa bonne humeur, ses couleurs aussi. Elle est toujours habillée de vêtements très lumineux, très très très beaux. Et on peut peut-être espérer, va savoir, que Roberto Fonseca reste dans le coin pour venir faire un petit duo avec elle. Ça serait sympa, ça, le vendredi 20 septembre. Mais bon, là, je m'avance un petit peu. Je peux rien vous promettre de ce côté-là. Fatoumata Diawara, donc qui en est déjà à son cinquième album, avec cet album sorti là aussi en 2023, qui s'appelle London Chaos. Elle a vraiment mélangé les genres et elle resserre ça avec une joie de vivre, avec une pêche très communicative. Le public est vraiment appelé à chaque fois à venir chanter, danser avec elle. Elle délivre un message en plus de tolérance qui est assez, assez exceptionnel dans ces temps troublés et qu'il faut l'aider à faire passer. On va écouter un extrait de son album London Chaos, qu'elle avait enregistré d'ailleurs à Londres, avec notamment un invité de marque, avec Damon Albarn du groupe Blur et du groupe Gorillaz, qui était venu lui prêter main forte. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Blues, il est extrait donc de cet album London Chaos, Fatoumata Diawara, donc qui sera le vendredi 20 septembre à l'espace Ligeria à Montlouis, dans le cadre de Jazz en Touraine. Oh, C'était Fatoumata Diawara avec le morceau Blues, extrait de son album London Cow. Fatoumata Diawara, donc, qui sera sur la scène de Ligeria le vendredi 20 septembre pour l'avant-dernière soirée de ce festival. On clôt ce festival avec une surprise, encore une, encore de la diversité, avec Jeanne Adède, donc, qui sera sur la scène de l'espace Ligeria ce samedi 21 septembre à 21h. Jeanne Adède, vous me direz, bah, c'est pour du jazz, Jeanne Adède. Non, on ne l'a pas connue comme jazzwoman ni comme chanteuse de jazz. Et pourtant, c'est dans le jazz qu'elle a commencé sa carrière, puisqu'on l'a retrouvée dans les années 2000 en compagnie de Thomas de Pourquerie, en compagnie de Pierre de Bettman. Et à l'époque, elle multipliait les expériences dans le jazz. Et puis, dans les années 2012-2013, elle a commencé à se tourner plutôt vers la pop et vers l'électropop, très exactement. Et donc, elle a connu un succès très, très net avec un premier EP et trois albums à la suite qui ont été des gros succès dans lesquels le jazz n'avait plus vraiment totalement sa place. Alors là, elle revient en fait sur une tournée acoustique et ça sera pratiquement le début de sa tournée, donc ça sera vraiment la surprise. On ne sait pas tout à fait à quoi s'attendre, on sait seulement qu'elle sera en version acoustique avec juste un piano, avec deux choristes et elle qui viendra chanter. Donc elle promet de revisiter ses morceaux plus électropop, mais dans une version acoustique jazz. Donc elle fera ressortir ses premières amours, ce qu'elle a appris un petit peu à l'école du jazz. Et j'ai pas vraiment de son à vous proposer qui permette de se rendre compte de ce que ça va donner. On va juste faire confiance à un morceau que j'ai choisi, qui est peut-être le plus proche de cet esprit-là, mais allez savoir, puisqu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. C'est le morceau Look at Them, qui est extrait de son album Bisensational, qui était son premier album sorti en 2016, qui a encore des tonalités un petit peu jazzy comme ça. Donc on peut penser que ça sera un petit peu dans cet esprit-là, mais peut-être pas. Allez, ça sera la surprise, mais je pense que ça sera une belle surprise et vous pourrez, prendre des places et venir découvrir ce côté acoustique de Jeanne Adède le samedi 21 septembre. Look at Them, extrait de l'album Bisensational, donc c'est Jeanne Adède. All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine, over her head clouds that look like mines, oh why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make, you're making your head. not climb bridges. We cross in our minds. Who are we fooling when we cry? When she says everything is fine, overhead clouds that look like mines. Oh, why can't she wish for brighter skies? C'était Jeanne Haddad dans le morceau Look at Them, extrait de l'album Be Sensational. Donc Jeanne Haddad qui clôturera le festival Jazz en Touraine le samedi 21 septembre avec cette version acoustique dont on ne sait rien pour l'instant. On n'a pas de son du tout, on ne sait pas. Mais justement, c'est la beauté du jazz d'avoir des surprises, d'avoir des découvertes comme ça. Et on peut se dire que Jeanne Haddad saura certainement, parce qu'elle fera d'autres dates plus spécifiquement en jazz, revenir à ce côté jazz qu'elle avait initié dans sa carrière dans les années 2000 et début des années 2010, et qu'elle a quitté là, par la suite. Ce retour aux sources en acoustique, comme elle l'annonce elle-même dans le programme de ce festival. On est impatient de voir ce que ça peut donner, juste piano, voix et deux chœurs derrière. Ça risque d'être vraiment très très beau et certainement là aussi visuellement très intéressant, parce que pour l'avoir vu déjà deux ou trois fois sur scène dans différents festivals ou concerts en intérieur, il y a toujours chez elle un côté très visuel, très très beau et très recherché. Donc là aussi, il y aura certainement, en plus de la musique, du côté visuel à déguster pour les yeux comme pour les oreilles. On va se quitter, donc on va quitter cette 67e émission de Oser Jazz à tous les étages, toujours en compagnie de Jeanne Haddad. Elle chantait sur le dernier album de Laurent Barden. Laurent Barden qu'on aurait bien aimé avoir sur ce festival, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement, donc ce n'est certainement que partie remise. Le saxophoniste français a pris pour habitude d'inviter différents musiciens sur ses albums et différents chanteurs aussi. C'était Bertrand Belin sur l'album précédent et ici sur son dernier album sorti en 2024, c'est Jeanne Haddad qui l'a invité sur ce morceau qui s'appelle Meilleur, dans lequel on retrouve Laurent Barden et son groupe Tigre d'eau douce dans des tonalités un petit peu chaloupées comme ça, très très jazzy, cool, comme on les aime bien. Et c'est sur ce titre de Meilleur que l'on va se quitter, en vous souhaitant à tous une très belle semaine, en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine encore pour la 68e. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Merci de votre attention à cette émission Oser Jazz à tous les étages. Et bonne nuit. Je s'évapore.